Si l'humeur est la bonne humeur, j'espère, de Guillermo Guiz. Bonjour les amis. Non. Salut. Bonjour. Vous êtes dégueulasse. Bonjour Daniel. Le début, c'est un petit bonjour. Hein. Ouais, ta gueule. Oh là. Vous connaissez Daniel quand même. Vous n'aurez pas ma confiance en l'homme, Daniel Morin. On en a connu des méchants, des abjects. Bon, jamais aussi zélé que vous, évidemment. Ça, il y en a trois par génération. Les deux premiers sont en fleurie Maugis. Mais voilà, on a connu pas vrai, maréchal. Affirmatif. On est d'accord. Alors, vous ne gâcherez pas mon moment avec deux chanteurs pour qui j'ai la plus haute admiration. Vraiment, Laurent Voulzy et Alain Souchon, quarantaine. Daniel, vous avez, je le précise, vous avez rebaptisé Laurent Voulzon et Alain Souchy, plongeant dans la gêne et dans l'embarras toute l'équipe technique de la bande originale, pourtant rompue à l'humour si particulièrement laborieux de Nagui. Cela dit, vous ne gâcherez pas mon moment. Parce que j'ai le cœur serré et les souvenirs qui défilent. Vous savez, Alain, particulièrement, je suis assez ému de vous rencontrer. Mon papa, mon papa aimait vraiment beaucoup votre univers et il était très très fan de vous. Alors qu'aujourd'hui, plus du tout. Curieusement, il préférait. Parce qu'il était, j'ai peur que ton papa soit plus là. Non. Comme quoi, là, la pollution, les gens changent. Vous savez, bon, voilà, apparemment, ça fait chier tout le monde dans son hospice, mais je m'en branle, je vais jamais lui rendre visite. Il a qu'à crever en écoutant Nuit Magique. Hein. Non. Chacun ses problèmes. Non. Je subis déjà le racisme anti-humour raffiné dans cette émission. Si en plus, je dois aller changer les couches des gens, hein, autant carrément faire une croix sur le bonheur, quoi. Et devenir best friend for life avec François Fillon. Mais vrai, il n'y a pas de raison, quoi. Mais non. Bon, c'était du lolage. Vous qui me preniez déjà pour un petit neveu blanchâtre et dégoûtant de Daniel Morin, je vous rassure, mon père est vraiment mort. Et sans un disque de Catherine Lara. L'honneur est sauf, évidemment. Il vous a adoré tous les deux jusqu'au bout, je dois le dire, vraiment. En vrai, j'ai passé mon adolescence et mon enfance, surtout. Tu veux qu'on rigole avec tout ça, hein. Non, écoutez. Vous êtes un cinglé, un peu comme Écoutez, j'ai passé mon enfance. J'ai passé vraiment. Non, mais c'est vrai, écoutez, j'ai passé mon enfance. Non, en même temps, ça fait plaisir que vous aimiez bien nos chansons. C'est vrai, j'ai passé toute mon enfance. L'histoire avec votre père est un tout petit peu. Oui, non, c'est vrai. Mais moi aussi, c'est quelque chose de très, très, très important. Bien sûr. S'il revient, il va être furieux. En vrai, j'ai pas que j'ai passé mon enfance à écouter vos chansons à la maison. Je me revois encore à 8 ans écouter l'ultra-moderne Solitude, un verre de Glenfiddich dans une main, une plaquette de Prozac dans l'autre, à me regarder 2 heures dans le miroir en me demandant pourquoi ces rivières sous les joues qui coulent. L'innocence, quoi. J'étais un peu en avance à niveau maturité. Moi, j'ai fait mon premier cancer de la prostate à 14 ans. À 16, je sentais déjà le renfermer. Ouais, j'ai grandi trop vite, comme ça laisse des traces. Blague à part, à l'époque où mes potes écoutaient Doc Eddie Fool, Patrick Bruel, les New Kids on the Block, moi, j'écoutais Souchon, Voulzy, Renaud, Les Jours Heureux, Brel, Brassens, Ferré, Les Jours d'automne, Cordy, Zaraï, Le Normand, quand j'avais un mauvais bulletin. C'est vrai, c'était pas facile tous les jours. Quand j'ai entre 5 et 7 sur 10, c'était Il parle aux oiseaux. Quand j'avais pas la moyenne, c'était carrément sans chemise, sans pantalon. Moi, j'ai tout fait pour réussir à l'école, évidemment, forcément. Faut comprendre. J'étais pas un enfant comme les autres. Pour avoir un semblant de vie sociale, j'étais obligé de traîner avec les plus âgés que moi, quoi. Clairement, la pédophilie, c'était pas de gaieté de cœur, vous savez. C'était juste une manière de me faire des copains. C'est vrai, dans un pays en plus où c'était légal si ça restait discret. Oui. Logique, oui. Ah oui, c'est vrai. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours traîné avec des gens plus vieux que moi. Je pensais que ça s'arrangerait en grandissant. Mais regardez où j'en suis aujourd'hui. Pareil, une tablette gravataire. Comme quoi, on guérit jamais de son enfance. C'est vrai. Heureusement que Leïla est là. Elle a ce je ne sais quoi que d'autres n'ont pas. Vous voyez même mes références. Pulpal qui est l'organe qui décline. Déjà quand j'étais petit, j'étais vieux. Vraiment, à l'école, j'étais une bête de foire. Je vous promets, c'était en 88. Je faisais du prosélytisme pour que ma classe vote Mitterrand. En clamant à qui voulait l'entendre que s'il était élu, Chirac il boufferait des enfants. Parce que c'était ça que les gens de droite font. Ils bouffent des enfants. Si c'est pas du bourrage de crâne, ça. Quand mon père il avait une secte, j'étais son seul adepte. Vraiment, vous vous rendez compte? J'avais 6 ans, j'essayais de convaincre d'autres enfants de 6 ans d'aller dans le pays d'à côté pour faire barrage à la droite. Dire en général, quand tu commences comme ça, soit tu deviens Arlette Laguiller, soit tu deviens Guy Georges. Mais t'es rarement la personne la plus équilibrée de ton quartier, quoi. C'est vrai. Après, honnêtement, je regrette rien. C'était une chance, ça m'a permis de connaître Souchon et Voulzy avant mes potes et de comprendre qu'il a aussi des belles chansons, Gérard Lenormand. Allez, bonne émission. Merci, Guillaume. Merci, bravo.